Bonjour, la chronique d'Aimé Bonaparte, c'est ici, non ? Non. Ici, c'est la rubrique agenda. Oh, excusez-moi, on m'avait mal indiqué. Bon, bah, merci quand même. Mon cul dans la cheminée.